Y'a qu'à voir le monde, comment il tourne. La débrouille est à la mode et la vie nous berne. Le mal-être se lit sur la gueule de ta voisine. La rage dans le cœur des miens s'emmagasine. On est proche du chaos, tous au garde à vous. Sorti des gardes à vue, les frères pensent aux sous. Plus le temps passe et plus le présent me rend fou. Auprès des miens, dans le zoo, futur demeure flou. On avance tête baissée, la haine nous parraine. Rue pleine de homeless, tente la main pour l'aumône. Le futur baisé par les forces américaines. Pendant que l'Afrique se meurt, se met à l'aise à Cancun. On avance rageux, mais le futur c'est Black Moon. Dans nos têtes, c'est le désert, c'est la poisse qui enchaîne. Rêve de shooter le shérif, un jour briser nos chaînes. Quel futur pour nos morts, qu'il lui donne la reine. Qu'il veut là où j'entreprends. Il s'immisce dans ma vie comme un contretemps. Me mate de travers. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. Me pose trop de questions quand le sort me perd. Le quotidien met la pression. Les démons débordent. Une vie trop morne. Alors je me plonge dans ma passion quand ça dépasse les portes. Je ne rêve pas d'une vie hors norme. À 25 balais, j'ai trouvé ma raison d'être. Déformé sans ces lettres. Sonder le cœur des êtres vivants qui m'entourent. Au-delà du paraître, j'exprime le mal-être d'une jeunesse déracinée aux antipodes de celle de nos ancêtres. Un futur calciné aux perspectives floutées. Un gouffre, un mur érigé entre vision collective et ce qui nous laisse à grailler. Si je crois en si peu de choses, c'est que la donne est biaisée. Si on martèle nos pros, c'est que le temps nous est compté. Alors on sert double dose, jamais rassasié. Boss one paragraphe pour un futur empoitillé. Ce qu'il veut là où j'entreprends. Il s'immisce dans ma vie comme un contretemps. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. Je lui accorde ma confiance, il me prend à revers. Me remet en question, doit-il me mate de travers. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. La camberge facile, rarement oisif. Des moments lucides, d'autres évasifs. Des répercussions pour les berges à venir. Comme le poids des promesses, j'aurais du mal à tenir. On s'accroche à ce fil conducteur. Le regard des proches, le reflet du cœur. Le stress se dissout, on va parler des heures. Dans l'engin de ma vie, c'est la pièce moteur. J'avance, pieds, mains liées. Mais l'esprit toujours en vacances. Un arrière-coup de liberté. Les vertèbres de ma fierté. Les ovaires de la vérité. Quand je vois mon reflet dans une paire de Fendi, je prédis que tu rembourses le crédit. Tout comme le pillage du pays, où le col blanc a remplacé le treillis. J'aperçois la suite en retrait. Car ici c'est la Perse qu'on recrée. Ils nous poussent du discount plein la panse. Et s'envolent les minima pour la croyance qu'on ment. Tout doit lui donner ce qu'il veut là où j'entreprends. Il s'immisce dans ma vie comme un contretemps. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. Je lui accorde ma confiance, il me prend à revers. Me remet en question, doit-il me mate de travers. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. Je dois lui donner ce qu'il veut là où j'entreprends. Il s'immisce dans ma vie comme un contretemps. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde. Je lui accorde ma confiance, il me prend à revers. Me remet en question quand il me mate de travers. Le futur m'emmerde. Le futur m'emmerde.